Ce soir l'ambiance est lourde, le temps s'arrête, mais la terre tourne quand même. Mal de crâne à vouloir avaler plus d'un paquet de cachets, mec, j'suis pas net. Pédotise, ibuprofène, remède de merde, ayant prouvé, mettez mille fois l'efficacité de leurs effets. J'aimerais me refaire, mais ce soir mon ego m'en empêche. Ambiance mélodrame, quand la fumée de mégots caresse la pièce. Pas de piano bar, qu'un canapé, qu'une fenêtre ouverte. Que la carcasse d'une âme ne pouvant plus surmonter d'avoir d'autres échecs, croyant être le roi. Mais bouffé par sa reine, la défaite est dure à digérer quand celle-ci est amère. Alors je me noie dans une rivière de blême, mais je sais que c'est bête, j'excelle. Bref, dès qu'il est question de plonger les deux pieds dans la merde, au fond c'est pas si grave. Si c'est pas tous les jours mardi gras, il m'arrivera encore des tas de soirées à être dans un triste état. Je décriserai pas, gris du ciel agrémente la froideur de mes pas. Je rêve d'une quiétude d'esprit digne d'un moine au Népal. Je crame la sèche, écoute, hein. Je crame la sèche, décale ma carcasse. Allo bolard, c'est tracade botch. À l'avance qu'on s'arrange, j'en suis là, c'est donc on fera pas de pause. Arrosé, je parle à l'arôme d'une garbiche éteinte. Ils s'en foutent de ce qu'ils en trouvent, reste la fausse partie de mes craintes. Toujours d'aigreur dans l'estomac. J'apprends pas à me tempérer, l'été sous le soleil, c'est le colal qui vient remplacer le sang pêlé. Glinori m'ont censé, mais je l'ai dit trop de fois. J'en perdrai les mots, vivons sans céder, quelle évitante blague. Coupant court aux discussions, mets de côté tes récits bon à rien. C'est dans la panique, on s'attache quand ils sont de trois liens. Tout sent pire quand l'autre va bien, vu qu'aucune gamberge je mène ta robe. La faute à personne, c'est le carrosse qui écrase la chouin sortie de sa robe. Bouché double, on perd du poids pourtant. Full quand l'un d'être moi tout le temps. A priori floute et l'avenir fait des scènes, j'rache chaque tournant. Et vu qu'y a pas le temps, j'patauge, pas facile à brailler. J'arrose chaque sourire matinal d'un souci à pallier. Ouais, ouais. Ah. Bah ouais, hein. C'est comme ça. J'crois que tu veux que j'fasse des cris, Ok, genre, je peux te déconner pour de vrai. Cool. Allez, on recommence.